Il y en a marre. Il y en a marre de ce système trop corrompu que, à cause de toujours les mêmes, les pauvres victimes sont victimées pendant que eux, ils s'en foutent plein les poches en se moquant bien du monde. Putain, on en causait encore cette nuit avec les potes en tirant des lattes pendant que Nono et Quevin massacraient les Berrues en un puissant beuglement de désespoir houblonné. Il y en a marre! Du coup, comme on dit de nos jours, on va tout cramer encore plus que ça ne l'est déjà grâce au changement climatique qui nous avance déjà un peu dans le boulot. Et quand tout ne sera plus que ruines et cendres, enfin, on reconstruira un monde plus beau, fait d'amour et de baba cool qui court tout nu dans les champs en écoutant Magma. Bon, allez, pas la peine de frétiller, il n'y aura pas de titre de Magma dans le Pyongyang City Rockers de ce soir, c'est le 304e. En effet, on n'a qu'une heure d'émission, je n'ai qu'une heure d'émission, à la place, ce sera le mélange à peu près habituel de punk, de hardcore, un petit peu de oi et puis d'autres huignements, ainsi que quelques jérémiades pas forcément libertaires. Voilà quoi, on attaque avec The Blood, leur tube imparable de 1983, putain, déjà 40 ans, c'est fou. Blood avec l'incroyable Colin Smith alias Cardinal Jesus 8 au micro, le titre c'est Megalomania, parce que tout le monde sait bien que seul ou en bande, hein, les Pyongyang City Rockers, là c'est pas la modestie qui les étouffe. The Blood, Megalomania. Megalomania! c'était juste à l'instant Streetwise avec leur tube de 2023, Ecoustasine, invisible. Streetwise ne sont pas invisibles. D'ailleurs, c'est eux qui, à mon avis, en tout cas, ont fait un des meilleurs concerts vus dans le coin pour le premier trimestre, le premier semestre 2023. C'était au bout de nos rêves le 8 avril dernier en compagnie de Récidive, excellent également. Premier concert organisé d'ailleurs par l'excellente organisation et la belle à cheveux courts Mawashi. Et puis, il paraît que le lendemain à Boulogne, donc le 9 avril à Boulogne-sa-Mer, c'était au moins aussi bon. Au passage, big up au genre de Crazy Kids. Leur prochaine date, c'est le samedi 25 août, il me semble bien, avec Broken Ankles, Bite the Pain et Drops. Ça sera à l'horloge à côté de la gare, là, vous savez. Enfin bref, tout à fait autre chose maintenant, sans transition, comme on dit dans les pires radios. Encore un grand qui passe l'arme à gauche, et quel grand, Armin Hoffmann, un des principaux héros de la propagation du hardcore punk européen dans les années 80 et 90. Ce gars avait commencé comme beaucoup en jouant de la musique, il était bassiste des Skizix, un des groupes qui tenait le haut du pavé hardcore en RFA dans la deuxième moitié des années 80. Il s'était surtout révélé comme un excellent producteur, découvreur, passeur, en étant aux commandes du label Exmist Records, qu'il n'a jamais cessé d'animer aux côtés de sa partenaire Houteuse, jusqu'à la veille de sa mort, dans la nuit du 14 au 15 août 2023. Il a été emporté par un putain de cancer. Ce type avait assez de générosité et d'influence, dans le bon sens du terme, influence, pour que certains le décrivent comme une sorte de John Peel du punk hardcore allemand et européen. Pour un adieu à Armin Hoffmann, voici deux titres du premier EP de son groupe, les Skizix, 1986. Il s'agit de Blast Away, suivi de Friendship. Adieu mec, merci d'avoir tant donné. Skizix, Blast Away plus Friendship. Blast Away! fout la peine. C'est pas prudent, c'est fatigant, c'est pas marrant. Mourir, c'est nul. Mourir, c'est mal. Mourir, c'est sale. Mourir. h 17 à l'antenne de Radio Campus, c'est bien l'émission Pyongyang City Rockers numéro 304. Vous venez d'écouter Infecticide avec Mourir c'est nul. Maintenant, totalement rien à voir, Slave Maker, la puissance tournésienne sur leur cassette split avec les Cambrésiens, excellent Cambrésien de False. Voici donc Slave Maker avec Endless. Ouais. Down. Quel accent, mes aïeux, quel accent. C'était Bad Anxiety avec le titre Big City. Ça passe dimanche prochain au Pitz à Courtrai avec Mutant Strain. Deux attaques venues des États-Unis, donc. Bad Anxiety, c'est du Mississippi. C'est un projet solo du bassiste de Judy and the Jerks. Je me demande si on l'a pas déjà passé, ce truc-là, une belle fois ici. C'est juste ce qu'on vient d'écouter, là. Et puis, sinon, l'autre groupe qui passera dimanche au Pitz, c'est Mutant Strain. Ils viennent de Caroline du Nord. Ils sont annoncés par les camarades du Pitz comme étant une des meilleures prestations scéniques hardcore de la planète. Ouais, autant dire que ça ne se rate pas. Et moi, je vais le rater. Je serai pas là. En tout cas, ça joue dimanche 20 août à partir de... Bon, allez, ça ouvre vers 19h, je crois, le Pitz. C'est à Courtrai, Syntrocus, la numéro 1. Et puis, bah, maintenant, on va donc écouter la suite, puisque vous avez eu Bad Anxiety juste avant. Maintenant, voici un long titre de Mutant Strain. C'est la part 1 de leur démo, non, enfin album je crois, sur lequel il y a 3 titres enchaînés, donc voilà, je vais passer les 3, youpi. La partie s'appelle Born into Pain, elle est composée de 3 titres, Toothless Doofus, suivi de Juice, suivi de Dirt. Voici donc Mutant Strain sur Campus, émission Pyongyang, City Rocker numéro 304. Ah ah. Ouais, ça enchaîne. Hein. C'était donc Mutant Strain avec Toothless Doofus, Juice et Dirt. Vous les retrouverez de ce dimanche au Pits à Courtrai. Les nuisibles montent à l'émeute, ils foutent le feu à la ville. Rien à tirer de ce monde de mort quand les pauvres crèvent d'être pauvres. C'est une petite partie des paroles du titre Désarmons-les de la démo du nouveau groupe Nouvelle Sensation Lilloise Camellia Sinensis. C'est sorti il y a quelques jours là, et puis Camellia Sinensis, vous allez pouvoir les trouver en concert à la Brad Kev mercredi 13 septembre prochain. Il y aura aussi Cockbust, Jodie Faster, False Bavure et Lasso. Leur démo 5 titres de Camellia Sinensis. Vous savez ce que ça veut dire, Camellia Sinensis? C'est le nom latin du thé, du théier, de l'arbre à thé. Enfin, vous savez, ça pousse sur les arbres, ces trucs-là. C'est pas comme l'argent. Bref, la démo 5 titres de Camellia Sinensis est disponible sur leur Bandcamp, CamelliaSinensisLille.bandcamp.com. Camellia s'écrit avec deux L. Sinensis, bah, comme chinois, tu vois, mais en latin. T'as pas fait de latin? C'est bête. Et puis Lille, ça s'écrit comme bah, Lille, quoi. Et youpi. Camellia Sinensis avec des armes. Police qui tue, rien de nouveau, je laisse en l'air. Le bruit étrange venu de il y a longtemps. Ouais, ça a 40 ans cette affaire. Lucrate Milk en live en plus, je sais plus où, je crois, non, si en novembre de 1983, donc pas tout à fait 40 ans. C'était I Love You Fuck Off, c'était le son fumé de la soirée. Partons maintenant en Finlande. Elle et ils opèrent depuis la belle ville de Jyväskylä. Leur démo est sorti fin 2022 et dans la chanson Täysin irtitelet todellisuudesta, elle et ils décrivent un hypothétique abruti complètement déconnecté de la réalité. Mais à qui a-t-il fait référence? Je doute qu'on parle de Emmanuel Macron jusqu'en Finlande. En tout cas, si vous voulez voir Conventio, puisque c'est d'eux qu'il s'agit sur scène, vous devrez vous déplacer jusqu'à la pimpante cité Lapone de Rovaniemi, où Conventio joue le 2 septembre prochain en première partie des Vieux de la Vieille de Aivo Protesi. Ceux qui écoutaient Écrasant la Vermine, bah, il y a 30 ans, en ont déjà entendu. Bref, vous protéger, rien que ça quand même, je me demande quel âge ils ont ces mecs. Enfin bon, petit vieux, des fois, ça s'accroche. Voici donc Conventio avec un extrait de leur démo de fin 2022, donc Täysin irtitelet todellisuudesta. Il est 20h34 à l'antenne de Campus 106,6 et tout le bordel, quoi, vous savez. C'est bien Pyongyang City Rockers numéro 304, totalement rien à voir maintenant, mais c'est un petit peu de propagande parce qu'il en faut, hein. Puis vous êtes quand même sur Campus, donc il en faut. Oui, vraiment. Écoloscopie par Denis Lefdup. Écoutez-moi ça. Vous écoutez Franche Info, il est 7h. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Allez hop, on met ça, une cata de plus par mois. Quand c'est pas un tsunami, on fabrique un Tchernobyl. Les marées noires en Louisiane et les ricards en Bretagne. C'est Céveso en Italie, la mer d'Aral en Russie. AZF à Toulouse et Bocage et les Indies. On tire sur tout ce qui bouge et on creuse encore des puits. Le prestige en Espagne et l'exode en Alaska. La moco naufragée, 200 000 tonnes déversées. Est-ce qu'on s'y met tout de suite ou est-ce qu'on attend demain? Notre maison brûle. Est-ce qu'on va encore plus vite ou est-ce qu'on met un coup de frein? Notre maison brûle. Car c'est pas avec nos rites et nos croyances périmées. Notre maison brûle. La planète qu'on habite se privera de nous virer. Nous regardons ailleurs. Des cyclones à l'appel, y'a rien qui nous interpelle. Quand la météo déconne, ça ne dérange personne. Y'a plus de glace au pôle Nord et y'a plus d'eau votre maison brûle. Est-ce qu'on va encore plus vite ou est-ce qu'on met un coup de frein? Notre maison brûle. Car c'est pas avec nos rites et nos croyances périmées. Notre maison brûle. Que la planète qu'on irrite se privera de nous virer. Nous regardons ailleurs. Bah, c'était Phosphore de Bordeaux qui faisait Marche ou Crève. C'est sorti sur une belle petite cassette coproduite par Dirty Slap Records Lillois et Fight for Your Mind Records de je sais plus où. Je pense qu'il doit encore y en avoir dans les bacs de Dirty Slap. Donc bah, quand vous voyez Cyril avec ses paquets de cassettes, et bah, vous lui demandez puis vous prenez ce Phosphore, c'est vraiment excellent. Youpi. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah, voilà, au rayon antiquité brocante, puisque j'en ai déjà passé quelques-unes là depuis tout à l'heure. On trouve parfois des trésors. Ici, je vais vous passer la version 2023 repiquée à partir des bandes de 1988 et remasterisée à la mode d'aujourd'hui pour encore plus de plaisir hardcore mélodique. Il s'agit du titre Got to Follow My Heart des Néerlandais de Union Morbide. Ça se trouve un peu sur toutes les plateformes et même sur le SoundCloud. Cloud de leur label TCBYML, This Could Be Your Music Label. Ça n'est actuellement disponible qu'en version numérique, digitale, comme on dit de nos jours, mais qui sait, un jour peut-être, ça ressortira, vu que c'était déjà sorti en single, donc en fin 88 ou début 89, je sais plus, j'ai vu, voilà. Bref, Got to Follow My Heart par Union Morbide. come to realize the place was not so bright. C'était Dageist, encore de Lillois, avec Mad Master. Je rappelle que ces gens de Dageist inaugurent une nouvelle émission sur notre radio concurrente et néanmoins amie, RCV 99, à partir de dimanche 3 septembre à 20h30, me semble-t-il. Cette émission s'appelle X-Wave. Et bien sûr, comme son nom l'indique, ça va passer beaucoup de wave de tout style, comme ce que vous avez pu entendre. Et puis, des fois, des trucs plus goth, moins goth, plus sec, moins sec, bref, plus froid, moins moins froid. Date à retenir, déjà, premier dimanche de septembre. Pour écouter la première de X-Wave sur RCV, maintenant, un petit message de blessure, encore des Basques. Tout le monde déteste la police, mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est nous la police? Au boulot, dans les squats, dans la rue, ils sont partout, mais personne ne se demande, est-ce que je suis la police? C'est donc les Basques de blessure, avec Ils sont partout, encore une production cassette de l'excellent Dirty Slap Records. On ne le dira jamais assez. Blessure, ils sont partout. Bien sûr, Campus 106,6 pour encore quelques minutes, à moins de 9 minutes exactement. Vous êtes à l'écoute de l'émission Pyongyang City Rockers numéro 304. Et puis en attendant leur prochain album, dont la sortie est prévue fin septembre et la tournée dans la foulée avec escale à l'abattoir à Lillers, voici. Voici un petit G-Strings, les Allemands, enfin Allemands, oui, bon allez. G-Strings QV 1990. C'est Paranoïa. Paranoia! Encore 5 minutes, hein. Bon, il est temps de se quitter, et puisqu'on a parlé de gens morts, on va finir par un décédé d'il y a longtemps. C'était il y a 67 ans exactement, aujourd'hui, donc le 26 août 1956, que décédait Béla Lugosi, celui qui avait popularisé la figure du vampire Dracula dans les films des années 30-40, et puis 50 aussi, je crois. Et puis en fait qui est revenu à la mode grâce entre autres à Bauhaus, que nous écoutons maintenant dans Bela Lugosi's Dead. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Vous continuez à écouter Campus, il y a plein d'émissions, même au cœur de l'été. Et puis on se retrouve non pas la semaine prochaine, il n'y aura pas de Pyongyang City Rockers, mais dans 2 semaines où nous aurons normalement la visite du joyeux Will, qui va encore vous bassiner les oreilles avec du hardcore qui tue et qui fait des trous partout dans les chaussettes. Pour l'instant, on se quitte dans 15 jours et on n'oublie pas All Cats Are Beautiful. Undead.